Situation 4. Je veux renouveler ma carte de séjour. Bonjour, je viens à la préfecture pour renouveler ma carte de séjour, s'il vous plaît.